départ, direction hasard. Ticket, ticket star. T'as le ticket chic. Ticket, ticket chic. T'as le ticket choc. Ticket, ticket choc. Ticket, ticket toc. Tic tac toc. Ticket, ticket choc. Ticket, ticket choc. Tic tac toc. Ticket, ticket toc. Ticket, ticket toc. Ticket, ticket, ticket toc. Ticket, ticket, ticket toc. T'as le ticket stop. Ticket, ticket toc. Ticket, ticket, ticket toc. Ticket, ticket, ticket toc. T'as le ticket stop. Flaque, toi tu t'en moques, planqué dans ta rame, pour toi y'a pas de drame. Place blanche, balance tes hanches, dans la nuit noire tu marches en canard. C'est toi la star du bal des Oscars. Star, star du soir, t'as de l'espoir. Tic tac toc, t'as le ticket clic. T'as le look mystique, le regard oblique, prêt pour le déclic. T'as le ticket claque. T'as le ticket star. T'es la superstar. Quand tu sors le soir sur les grands boulevards. Tic tac toc. Ticket ticket toc. T'as le ticket choc. Ticket ticket choc. T'as le ticket top. T'as le ticket pop. Ticket ticket toc. Ticket ticket toc. T'as le ticket chic. Ticket ticket chic. T'as le ticket choc. Ticket ticket choc. Ticket ticket toc. Tic tac toc. Ticket ticket choc. Ticket ticket choc. Tic tac toc. Ticket ticket toc. Ticket ticket toc. Ticket ticket ticket toc. Ticket toc, t'as le ticket stop. Ticket ticket toc, ticket ticket ticket toc, ticket ticket ticket toc, t'as le ticket stop. Dans ta caboche, c'est le grand cinoche. Ta vie comme un flash défile tout en strass. Très cool, tu frimes, tu swings. T'as le cœur platine moulé dans ton jean. À toute personne, tu les rends dingues. Star, star du soir. Ticket, ticket, toc, ticket, ticket, ticket, toc, ticket, ticket, toc, t'as le ticket, stop.